Histoire d'une nouvelle qui n'a pas de fin, par Lucien Méronin. Je n'avais plus écrit depuis quelque temps, trop longtemps, me semblait-il. En fait, je n'avais plus écrit depuis que mon voisin, M. Bouchot, s'est coupé le tendon d'Achille avec sa tondeuse à gazon. C'était un dimanche matin, à l'heure de l'apéro, du côté de Septembre. Je l'avais interpellé, sans colère mais fermement, par-dessus la haie qui nous sépare. « Dites donc, père Bouchot, faudrait voir à respecter la trêve dominicale. » Et j'étayais ma réflexion en citant un arrêté municipal paru dans le dernier bulletin, lequel stipulait une interdiction de tondre, élaguer, tronçonner, les dimanches et jours fériés. À mon grand étonnement, car cela ne lui ressemble guère, M. Bouchot fit volte-face et me répondit en criant « J'emmerde le bulletin municipal !» Au même instant, j'entendis un bruit bizarre, difficile à traduire, suivi d'un hurlement de douleur et de ces quelques mots « Ah bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu !» Je compris tout de suite, ce n'était pas compliqué, que pour avoir voulu emmerder le bulletin municipal tout en continuant à tondre, M. Bouchot s'était fait piéger la cheville droite. La lame de la tondeuse avait entaillé profondément la chair et sectionné le tendon d'Achille. Après avoir appelé les premiers secours, je rentrai chez moi, honteux, penaud et rapide à me verser l'apéro du dimanche resté sur la table. Cette mésaventure me tracassa fort. Deux jours plus tard, j'appris que des avions téléguidés au cutter s'étaient écrasés sur des bâtiments, provoquant la mort de milliers d'individus innocents. Comparativement, la gravité de ce drame aurait dû me permettre de relativiser celui de mon voisin. En effet, n'importe qui à ma place, au lieu de culpabiliser sur le tendon d'Achille de M. Bouchot, se serait lamenté sur les victimes des avions cutter. N'importe qui, mais pas moi. Moi, je restais prostré derrière la haie, le nez au ras du gazon, faisant mine d'arracher les mauvaises herbes, guettant avec anxiété le retour de M. Bouchot et celui de sa tondeuse. Car je ne connais rien de plus angoissant qu'une pelouse inachevée. On n'aime pas les punks par chez nous. Quelques mois après, et bien qu'il fût rentré au bercail, je n'avais toujours pas revu M. Bouchot, tout comme je n'avais pondu la moindre ligne de texte. Et je ne m'expliquais pas comment l'absence de mon voisin avait pu entraîner la stérilité d'une imagination jusque-là si féconde. Je ne pouvais que constater... Sans Bouchot, point de nouvelles. Il me fallait réagir au plus vite, mais comment? C'est le sort qui en décida l'année suivante. Nous étions au lendemain du premier tour des élections présidentielles. Alors que je pleurnichais sur la défaite de mon candidat, M. Bouchot, déjà passablement ivre, m'invita par-dessus la haie à partager ce qui restait d'une bouteille de calva, à 25 ans d'âge, me précisa-t-il, afin de fêter comme il se devait la victoire du sien. Je veux parler de son candidat. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous voici installés sur sa terrasse. Il me montre la cicatrice encore un peu rose qui barre sa cheville. Je lui fais part de mes problèmes de page blanche. Mais ne voulant pas compromettre une réconciliation encore précaire, je reste discret sur l'origine de ma blessure. Une blessure sans cicatrice, mais néanmoins réelle. « Qu'est-ce que t'écris donc ?» il me demande. « Des petites histoires de tous les jours, des histoires toutes simples. On appelle ça des nouvelles. Ah bon ? Et à quoi ça te sert ?» Il voulait savoir si je vivais de ce travail, je suppose. À rien. Enfin, si, des fois il y a des gens qui les lisent et ça les occupe 5 minutes. Vous n'avez jamais rien lu, père Bouchot ? À part le journal, je crois pas. Peut-être un livre de messe, mais alors ça fait longtemps. Puis nous avons changé de sujet. Il est allé chercher une autre bouteille de calva, aussi vieille que la précédente. Le soir est venu. La terrasse semblait comme bercée par un petit vent d'ouest. Les peupliers faisaient la danse du ventre. De la cuisine où parvenait la voix du journaliste en train de commenter le résultat des élections. M. Bouchot ne semblait pas l'entendre. Je le sentais pensif mais sans gravité. Alors que je tournais dans ma tête la bonne formule de politesse, celle qui vous autorise à quitter la table, il me dit « Veux-tu que je te raconte une histoire ?» Je m'attendais à tout sauf à ça. « Une histoire, bien sûr, père Bouchot, même plusieurs si vous voulez. » Et je m'empressais de sortir le calepin qui ne me quitte jamais, une sorte de pense-bête, sur lequel j'inscris les idées qui me viennent, les événements que j'observe, et le stylo. M. Bouchot se resservit du calva, en but une longue gorgée, fit claquer sa langue comme pour dire « Tiens-toi bien, mon garçon », puis commença. C'est une histoire vraie qui m'est arrivée il y a un peu moins d'un an. J'étais en train de tondre ma pelouse un dimanche en fin de matinée quand un imbécile, dès le mot pelouse, mon stylo freine à des deux fers. Le temps de réagir et je l'interrompis aussitôt après, imbécile. « Père Bouchot, vous ne seriez pas en train de me raconter notre histoire ? la tondeuse, l'accident, la cheville. Parce que sans vouloir vous vexer, je la connais un petit peu, non ? Mais laisse-moi donc finir, bougre d'âne. T'arrives plus à écrire, tu voulais une histoire, je t'en donne une. T'es pas content ? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu connais de cette histoire, hein ? Tu connais ta version et rien d'autre ? Bah si, quand même, je connais au moins le début et la fin. Le début peut-être encore que tu ne sais pas tout, mais la fin, sûrement pas. Tu devrais le savoir, toi, qui écris des histoires. Rien n'a une fin sur cette terre sauf ta vie. Et quand elle surviendra, tu ne pourras pas l'écrire. Alors m'emmerde pas avec ça, laisse-moi plutôt te raconter. » M. Bouchot se mit à parler. Je l'écoutais avec respect. Et c'est ainsi que j'appris beaucoup de choses, notamment pourquoi il avait décidé de tondre sa pelouse un dimanche matin au risque d'encourir les foudres de la loi. C'est une vieille querelle entre le maire et moi. Ce petit salopio, je l'ai connu sur les bancs de la maternelle. Nous avons grandi ensemble. Il me volait mes billes. À l'époque, il n'était pas plus épais que ma retraite, on l'appelait la limande. Après, il est devenu gros et riche. Et il a commencé à vouloir m'imposer une loi sur mon chien qu'il faut mettre à la corde, sur les poubelles qu'il faut courir, les feux de broussailles en mars, l'arrosage après septembre, le tout à l'égout, la tondeuse qui fait du bruit, et puis quoi encore ? Je n'allais pas me laisser emmerder par la limande. M. Bouchot s'arrêta un petit instant pour se verser une rasade de calva. Sa main tremblait aussi fort que les feuilles des peupliers. Il renversa du liquide sur la table, aussitôt essuyée d'un revers de manche. J'étais encore tout ouïe, le stylo en alerte. Il me regardait droit dans les yeux tout en buvant son verre. Je le regardais aussi, et je sentais que quelque chose de grand se préparait. Que cette histoire allait se poursuivre avec du suspense, des effets, un final en apothéose. « Bon, maintenant, me dit-il, je vais te raconter comment j'ai fait sauter un nid de mitrailleuse au-dessus de Cancale en août 44. Mais ça, c'est une autre histoire. » Ainsi s'achève « Histoire d'une nouvelle qui n'a pas de fin » par Lucien Méronin.